questions sur mmaq.com. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. 4 fois radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque depuis 2010. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. La bande vidéo, les éditions Intervention, Table de quartier, l'engrenage de Saint-Roch, Société d'art et d'histoire de Beauport. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Bonsoir tout le monde, c'est l'émission Terra Incognita qui sera avec vous pour les deux prochaines heures et on est en compagnie de Bruno, France et Jean-François à l'animation et on a des invités, Pierre et Christiane. J'espère qu'ils vont parler un petit peu. Ben oui, ils vont venir jaser à un moment donné. Là. Eh bien, ça va super bien. La semaine dernière, je vous parlais d'un festival qui a lieu en Belgique. Bien, c'est le fun parce que notre émission se retrouve en partie. Il y a un extrait qui se retrouve sur le site du festival Les Intemporels qui a lieu à Soignies en Belgique. Bien, tant mieux, hein, notre émission rayonne. Et ben pour cette semaine, on aura le nouvel album de Samurai of Prog et on parlera aussi du festival Terra Incognita qui s'en vient. Hein. On est, le compte à rebours est sonné parce qu'on est à 7 semaines. France qui est sur son téléphone, je ne sais pas trop ce qu'elle regarde. Oui, excuse-moi. Hein, le festival Terra Incognita, tu vas le manquer? Ben non, je ne le manquerai pas. Laisse ton téléphone, sinon tu vas manquer le festival. Eh bien, encore cette année, il y a beaucoup de belles choses au festival. Ah, tu veux que je recommence, que je dise les ben groupes non, tout on suite? Va en parler. Tout le monde sait, je pense qu'il y a eu un petit changement. Oui, le 18 mai, Emerson, Lake & Palmer Project a été annulé et remplacé par The Time for Pink Floyd. Ben oui, du bon Pink Floyd, ça passe tout le temps. Dans ce groupe-là, il y a des membres de Hamadryad, dont eux vont jouer le 19 mai avec Circus et Warbler. Warbler qui est très attendu après son disque qui fracasse toutes les palmarès. Hein. On en a vu, même dans Progressive, c'est encore très bien classé. Et le 20 mai, c'est Cellar Noise avec Aerostation et Moon Safari. Et le 15 avril, j'ai tellement hâte aussi au 15 avril, c'est Eden Song avec en première partie The Night Watch. Pour ceux qui ont assisté au festival l'année dernière, c'est le guitariste Nathaniel Larochette qui fait partie de ce groupe. Ben oui, il avait été sympathique, Nathaniel. Il nous avait raconté des histoires. Ben pareil, on a nos amis des illusions auditives qui quittent. Donc Nathaniel moi je le comparais quasiment à un humoriste là, parce qu'il était très bon sur la guitare mais il avait une façon de raconter des histoires là, qui a fait rire le monde quasiment comme un humoriste. Il est très charismatique. Oui, donc ça va être le fun de le voir avec son groupe, ça va être très plaisant. Puis, ben, il y a aussi une chose, on pourra le voir un peu plus tard, là, mais il y a Arena qui va nous visiter. Puis, oui. C'est le 20e anniversaire de l'album de Visitor. De Visitor, oui. Ben, on va en écouter un extrait, puis ça va tout de suite après Samurai of Prague. Puis, ben, au début du mois, du mois de février, en fait, là, ça fait quand même quasiment un mois et demi, ben, Steve Hackett nous visitait. On va entendre un extrait aussi de l'album Wuthering Heights, Live in Birmingham. Et bien, il faut signaler aussi qu'on est le 17 mars, donc oui, c'est la fête des Irlandais, la Saint-Patrick. On va souligner ça un petit peu plus tard dans le troisième bloc. Là, avec je vous invite entre-temps à penser quel groupe irlandais de musique progressive vous connaissez. On s'en reparlera. Donc, on y va tout de suite en musique avec de Samurai of Prague. Thank you.

ashes will feed on them lost cause. Same old story.

Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du néoclassique avec Niels Frahm. Entrez dans l'univers électroclassique de ce brillant compositeur allemand et découvrez les pièces de son nouvel album encensé par la critique. Le 20 mars, vivez la musique à son meilleur avec Niels Frahm. Détails au palaismontcalm.ca. En mars, voyez au cinéma Le Clap, Bras de fer dès le 9 mars, Ailleurs dès le 16 mars, Le Brio dès le 23 mars et La Villa dès le 30 mars. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! L'Homme de l'île est un film qui offre un regard sur un guide de chasse insulaire et la puissance de son univers. Il dépeint une longue et belle relation entre Gilles Gagné, un homme d'une intelligence et d'une sensibilité terrienne, et un grand maître, Jean-Paul Riopel. Ensemble, ils chassent, ils sirotent et surtout, ils discutent. Tandis qu'un redécouvre la beauté de son monde à l'île aux oies, l'autre s'en inspire pour créer des œuvres d'art. L'Homme de l'île à l'affiche de le 23 mars au Cinéma Cartier. Et on a terminé ce bloc avec Steve Hackett, Watering Night, live in Birmingham. Ceux qui se souviennent d'un 45 tours 12 pouces qui était paru, si je me souviens bien, en 77, qui comprenait la pièce Inside and Out d'un côté et Spot the Pigeon et Match of the Day de l'autre côté. Ben, Steve Hackett a ressuscité ça et lors du dernier concert, il nous avait joué ça avec la voix de Nad Sylvan qui est toujours assez fidèle et lui est capable de chanter comme autant comme Peter Gabriel que Phil Collins et même de Richie Evans qui chante la très belle Icarus Ascending qui nous a pas fait malheureusement cette fois-ci mais qu'on a entendu dans d'autres visites. Et juste avant, ben, c'était Arena avec leur album The Visitor. On revient sur ce disque-là parce que c'est son 20e anniversaire et d'ailleurs dans Progressist numéro 91, ben, il y a une description de tout ça où on parle de cet album-là. Puis, ben, il y a une petite mention pour Québec. Ils donnent tous les endroits où ils vont jouer, au Spirit of 66, entre autres. Mais on dit ici, à l'auditorium du cégep Garneau, le Québec, le 26. Là, je sais que Jean-Pierre est un petit peu sur ton territoire, France. Tu t'es habitué. Tu m'en tiendras pas rigueur. Non. On ne couchera pas sur le sofa. Et bien, dans la même page, en fait, la page à côté, on parle de IQ, Subterranea, qui lui aussi a eu 20 ans, mais en 2017. Et bien, on en parlait pendant le souper avec notre ami Pierre, qui il me disait qu'il avait connu IQ un petit peu sur le tard, mais qu'il avait découvert quand même Subterranea. Un album qui nous avait beaucoup impressionné quand il était sorti en 97 et quand on a encore beaucoup de plaisir à écouter. Malheureusement, IQ ne nous a pas joué ça dans son intégrale, là, comme il l'a fait à certaines places. Là, mais mm-hmm. J'imagine qu'en Europe, il y a des chanceux qui ont dû avoir l'occasion d'entendre ça. Et bien, on peut peut-être parler un petit peu de concerts, de ceux qu'on n'a pas parlé tantôt. Bon, bien, au mois de mars, il y a le 24 mai, Saxon. Saxon, hey, monsieur. Saxon. On n'est pas dans les terres trop progressives. Non. On est dans le gros rock. C'est du gros rock. Je pensais que c'était du métal un petit peu, non? C'est assez métallique. Bon. C'est un groupe qu'on écoutait dans les années 80. Bon. C'est au bar Le Bûcher. Pour ceux-là qui ne savent pas c'est où, c'est dans le marché Jean Talon. Le Bûcher. Le Bûcher. Ça, c'est pas évident. Mais non, c'est une farce. Le 30 mars, il y a 8. À la très belle salle Seine-le-Bourgneuf. Et nous y serons d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Ensuite, je me souviens. OK. Le 18 avril, au Collège Garneau. Je ne sais pas si c'est le Collège Garneau. Jean-Paul Tardy. Jean-Paul Tardy, c'est Neil Morse Live and Times à Québec. Oui, je pense que c'est acoustique, hein? Oui, c'est acoustique. Il est seul avec sa guitare. Hein? Oui. Non, il n'est pas tout seul. Il est accompagné? Mm-hmm. Bon. Le 20 avril, ben, c'est complet. C'est Steven Wilson au Palais Montcalm. Ben oui, ça fait longtemps que c'est complet. Oui, ça fait très longtemps. Le 1er mai, ben c'est. M'a essayé sur aussi de le dire. Threshold. Mais la salle est à confirmer parce que c'était au sec. Je continue-tu? Oh, il n'en reste pas beaucoup. Le 11 mai, c'est Morse Code. à la salle Jean-Paul Tardy. Ben oui. Le 26 mai, comme tu l'as dit. Le 9 juin, c'est Marion Script Revisit au Cégep Garneau. Et le 10 septembre, c'est Terry Bozio à la salle Jean-Paul Tardy. Bon. C'est fini pour cette année. Ben non, pas encore, là, mais à venir, d'autres spectacles. Pour le prochain bloc, on va entendre un groupe norvégien qui n'est pas tout à fait un nouveau groupe parce qu'il y a d'autres albums qui sont sortis avant, là, mais c'est Jord So. Un album qui s'appelle Jord. Je vous fais grâce des titres parce que c'est presque codé, disons. Mais vous le connaissez parce que Michel en a déjà fait jouer. On va en entendre un extrait. Et ce sera suivi de Galad, qui est arrivé avec un disque qui s'appelle Seas of Change, qui est très long. Ben, l'album n'est pas si long, mais il y a une pièce de 42 minutes et demie. C'est pas celle-là qu'on va entendre. Et heureusement, sur le disque, il y a des choses qu'on peut faire jouer. C'est un extrait qui appelle Extended Edit. Donc, c'est une pièce beaucoup plus courte, mais qu'on retrouve là, dans cette suite-là. Et ben moi, j'ai écouté ça cette semaine et on retrouve, moi, je trouve des sonorités à la Pink Floyd. Là. À un moment donné, j'avais l'impression qu'on entendait Shine On You, Crazy Diamond, et il y a d'autres choses aussi là, que je n'ai pas encore identifiées. Et on terminera ce bloc-là avec Dave Kirshner, de son dernier album qui s'appelle Static. Thank you. seems to fly avoid the windshield. Although a few political careers lie splattered on the green, a clearer picture emerges. No economic meltdown marking Armageddon appears to have been averted. Ask my organ playing monkey. Drink that punch and follow me into the fun house, the fun White House. still wondering what it's all about. Don't be the judge or jury, fate will balance out. It's only a drop of time. Je suis une voix.qc.ca. Le Palais Montcalm, maison de la musique, vous offre le meilleur du blues avec Jack Broadbent et Don Tyler Watson. Ce programme double débute avec l'un des plus grands joueurs de la guitare slide, suivi par la reine du blues et ses musiciens. Ne manquez pas la crème du blues sur une même scène, un soir seulement. Le 23 mars, vivez la musique à son meilleur avec Jack Broadbent et Don Tyler Watson. Tous les détails sur palaismontcalm.ca. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Et on a terminé ce bloc avec Dave Kassner, qui sort toujours des choses assez intéressantes. Ce disque-là s'appelle Statique et ça comprend plusieurs pièces. Ben moi, j'avais vu ça dans Progressiste, mais je l'avais vu aussi dans le magazine Big Bang, où on parlait de ce disque-là en bien. Puis, fait que je dis bon, on va essayer ça. Et juste avant, c'était Galahad avec un nouveau disque qui est très emballant, avec cette pièce qui est longue, mais la pièce Dust qu'on a entendue, ben, je trouve que ça donne une très bonne idée. Et ben même Bruno a aimé ça. Bruno qui me disait qu'il était un petit peu tanné de Galahad, mais là, il reconnaissait plus le groupe. Puis il y a l'autre album qu'il y avait juste avant, là, Quiet Storm, que j'ai malheureusement pas entendu. Il est passé un petit peu vite. Il y a beaucoup de monde qui l'apprécie pas beaucoup, mais dans ce numéro-là de Progressiste, on en parle beaucoup en bien. Et un groupe qu'on va entendre sûrement en bien pendant un bon bout de temps, c'est George So, un groupe de la Norvège qui sonne énormément en de la gare. Hein. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des sonorités qui rappellent beaucoup. En fait, c'est pas le même pays, mais Andelagar est rayonné. Puis, je pense que ça a dû influencer beaucoup de monde. L'an dernier, on a eu de la visite écossaise. Oui, Comedy of Error. Exactement. Et on retrouve une pièce de Comedy of Error, leur nouvel album, là, qui s'appelle... Ben, c'est plus tellement nouveau parce que c'est sorti... Il n'était pas sorti quand ils sont venus au mois de mai, mais disons à la fin de l'été, si je me souviens bien. Ce House of Mind-là, ben, il est plutôt bon. On en retrouve un extrait sur le disque qui vient avec le magazine Progressiste. Et c'est cette pièce-là qu'on va entendre. Mais comme c'est la fête des Écossais aujourd'hui, ben, pas des Écossais, des Irlandais. Les Irlandais, la Sainte-Patrick. Ben oui. Mais tantôt, ben, en ouverture d'émission, je faisais une sorte de petit quiz, si on veut. Ben, en connaissez-vous beaucoup des groupes de prog irlandais? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Ben, moi, dans ceux que je connais, j'ai reconnu, d'après une liste que j'ai faite dans une recherche sur Internet, là, sur Prog Archive, ben, ce qui ressortait, il y avait Frupp puis Horslip. Horslip, ben, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Mais j'avais du Frupp, F-R-U-U-P-P. Et c'est un vieux disque qui s'appelle Song for a Thought. On va entendre une pièce qui s'appelle Wise and Wisdom. Donc, ça va être pour souligner la fête des Irlandais. Ben oui. Christiane n'avait pas trouvé un groupe, Mushroom. Mushroom, oui, mais j'ai pas de Mushroom. Je sais pas si Bruno connaît Mushroom. Non, mais on peut pas dire que c'est tellement connu. Non. Et ben, en fin de bloc, on entendrait le groupe Caribou. Michel m'est arrivé avec ça, Caribou, que je ne connaissais pas, un groupe allemand, si je me souviens bien. Et ben, il y a un extrait de ça aussi sur ce même disque-là qui vient avec Progressis, c'est New Species. Ben, on va prendre ma copie de l'album, From Here to the Impossible, on va entendre Lost Peace. Thank you. Time, I'm very holy.

Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du néoclassique avec Niels Frahm. Entrez dans l'univers électroclassique de ce brillant compositeur allemand et découvrez les pièces de son nouvel album encensé par la critique. Le 20 mars, vivez la musique à son meilleur avec Niels Frahm. Détails au palaismontcalm.ca. Le Radiothon de CKRL, c'est les 6, 7 et 8 avril prochains. L'objectif est de 42 000 $. Contribuez à la mise en œuvre des activités de votre radio communautaire en achetant la carte de membre pour 25 $ seulement. En devenant membre avant le 6 avril, vous pourriez gagner un certificat cadeau de 150 $ à la boutique Le Pédalier. Devenez membre aujourd'hui! Allez sur ckrl.qc.ca ou au 418-640-2575, poste 201. Ou encore, passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Donc, on a terminé le bloc avec le groupe allemand Caribou. Ça m'a donné une occasion de réécouter ce disque-là qui passait peut-être un petit peu dans le vide là, parce que je ne l'ai pas écouté beaucoup. Mais la pièce qu'on a entendue, Lost Peace, ben, moi, j'aime bien. Donc, c'est extrait de From Here to Impossible. C'est leur dernier en date et ça date de 2017. Juste avant, c'était le groupe irlandais qui ne doit plus exister, là, Froop. On a entendu la pièce Wise and Wisdom de Songs for a Thought. On avait débuté ça par le très bon groupe écossais Comedy of Error. Eh bien, on va rester dans les Allemands avec RPVL, A New Dawn, qu'on n'a pas écouté beaucoup, un album double là, en concert. On va entendre la pièce The Attack et cet extrait de New Species 31 qui vient avec le magazine Progressist. Mais avant, je dois vous rappeler que on est en pré-radioton. Donc, c'est le temps là, de faire un don de 20 $ et plus ou de renouveler la carte de membre. Et ça, ben, ça c'est de poser un geste de soutien envers une radio qui diffuse des choses un petit peu spéciales. Là. De la musique comme ça, des émissions de prog, disons, de 2 heures comme ça, ben, on n'entend pas ça partout. Donc, comment faire un don juste avant le Radiothon là, qui aura lieu dans la fin de semaine du 6 avril? Ben, c'est soit passer au 405 3e avenue entre 9h et 17h30. Il y a aussi les services sécurisés PayPal à www.ckrl.qc.ca. Et c'est à l'onglet « Faire un don ». Donc, soyez à l'écoute les 6, 7 et 8 avril. Ben, il va y avoir une émission spéciale auquel on devrait participer. C'est sur le rock. Des animateurs de différentes émissions devraient être là, dont un représentant de votre émission préférée. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir sur www.terrainincognita.québec. Ou la page Facebook de Terra Incognita, mais sur le très beau site, là, parce qu'il a été amélioré beaucoup. Hein, oui. Karine a travaillé beaucoup là-dessus. Ouais. Puis, il y a des photos des anciennes éditions du festival et il y a aussi toutes les nouvelles là, du festival qui aura lieu les 18, 19 et 20 mai prochains. Et nous allons accueillir Wobbler. Ça, c'est les headliners. Et bien, moi, mon coup de cœur, ben, en tout cas, c'est celui que j'anticipe, là, parce que j'aime beaucoup ce groupe-là, c'est Moon Safari. J'ai très hâte de voir Moon Safari. Et pour la même soirée, Sailor Noise, ça devrait être très bon aussi. Et la soirée débute avec... Ah, c'est avec Sailor Noise, qui est suivi de... Tu t'en souviens pas par cœur, hein? Mais c'est pas grave, allez voir sur le site... Et bien, vous pouvez aussi nous écrire à l'émission Terra Incognita _CKRL@hotmail.com si vous avez des commentaires à nous faire. Et bien, pour le prochain bloc, donc, je vous parlais de RPWN, mais il y a aussi Sleeping Heads qui a été une très belle surprise la semaine dernière, un disque qui s'appelle On the Air. J'avais dit que c'était un groupe ukrainien. Et la pièce qu'on avait entendue, ben là, on va y aller avec Deceiver. Donc, je vous avais dit qu'il y avait un petit côté tranchant. Là. On disait que ça ressemblait un petit peu à Porcupine Tree. Je pense qu'on donnait comme référence Catatonia. Celle-là va être un petit peu plus tranchante. On va entendre aussi une pièce de Hamadryad, mais cette fois-ci de l'avant-dernier album en date qui s'appelle Intrusion, on va entendre Sentences. Et on vous revient tout de suite après ça. Servo Station qui... Ah oui. Qui est avec Cellar Noise. Puis, ça va être une découverte parce que moi, je connais pas. C'est avec Alex Carpani. Ah oui, lui, on le connaît bien. Mm-hmm. Vive la révolution! In every part of the world, wait for the sign. It's time to be heard. Did you believe we wouldn't unmask the lie? Your concept of God versus a concept of life. Instead of health, we find salvation of souls. Sin is the main idea to keep them in line. To sing the word out, condemn another to die. We have the cure to change beyond into. Just one day, all these illusions will be gone, and what is left is so much more than all that could have been before. All fate has led us to light up the dark. Dryness, a cure from the start. Who would have thought that all the world will be changed by a handful of pills converting water to life? We have the cure to change beyond into a true world of our own, to turn the whole upside down. In just one day, all these illusions will be gone, and what is left is so much more than all that could have been before. just a small distance that we reach. A candid tea for all the lies we lose. They were so sweet. Will our song in this night be heard? Will the sun begin to rise? Standing there brings warmth into our life, makes us complete. Unchained and free. of a son, I'm a son of a man. So many generations carved a path I can't deviate from. A silver spoon was shoved down my mouth from the start. I can't be held responsible for my good fortune. Just lucky, I guess, to be born of the good sex. In the right family. Madriade de leur album Intrusion à Madriade qui seront au festival Terra Incognita au mois de mai. Oui, donc la première journée avec Circus puis Warbler. Oui, en fait, le samedi. Mm-hmm. Eh bien oui, Warbler qui sera la vedette de cette journée-là. Et juste avant, c'était Sleepin' Heads, un bon disque hein, qui s'appelle On The Air. Et ça montre le côté plus métal. Donc, il y a deux semaines, je faisais jouer une pièce qui montrait le côté plus atmosphérique. Et ben, moi, je trouve que ça sonne bien. Il y a des belles voix. On avait débuté avec RPVL, qu'on a vu déjà au festival. Et c'est, moi, je le reverrai tous les ans, là, mais c'est un goût personnel. Donc, la pièce qu'on a entendue, c'est The Attack. Ça vient d'un album live qui s'appelle A New Dawn, qui reprend sous la forme de je dirais quasiment d'un théâtre. Là, parce c'est théâtral, beaucoup. Mais le DVD est théâtral. C'est ça, il y a une foule d'invités. Mm-hmm. Puis c'est la trame sonore, ce DVD-là. Il y a une foule d'invités là, qui jouent des rôles. Là. Et c'est bien beau à voir. Et si vous êtes à Soignies en Belgique le 21 avril, j'en ai parlé il y a deux semaines, il y a un festival qui s'appelle Les Intemporels. Donc ça ouvre avec le groupe Yolk qu'on a entendu une pièce il y a deux semaines, et ensuite c'est Aria Primitiva. Et ce qui me désole un peu de ne pas pouvoir y être, c'est Atom Earth Mother, la tentation symphonique, donc avec un orchestre de cuivre, une chorale et un groupe rock. Et ça se terminera avec le groupe Machiavel, les trois premiers albums seulement. Donc, si vous ne pouvez être à Soignies au mois d'avril, vous serez sûrement capable d'être à Québec pour le Festival Terra Incognita au mois de mai. Donc, c'est un rendez-vous, mais juste avant, il y a Hidden Song. Et on vous quitte sur Pink Floyd, un extrait de Creation, The Early Years, c'est Childhood End, que je l'ai dit à Bruno, parce que j'en parlais avec lui lors de la dernière émission, et il me disait qu'il n'était pas familier avec cette pièce-là. Donc, on laisse Bruno écouter, et restez à l'écoute pour l'émission L'Autoroute avec Stéphane Villeneuve. Donc, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Thoughts and memories, childhood's end, your fantasies merge with harsh realities. And then, as the sailor's hoist, téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. On jase ton père pis moi, pis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. Tes amis, c'est des gens à fréquenter. Quand ils ont des cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une bonne influence sur toi. Tu sors devant le monde avec des gilets troués. T'écoutes plus tes records de la famille Simard. Tu t'achètes plein de disques avec des noms de morts. Pis ta musique du diable, tu l'écoutes pas assez fort. L'autre jour, on t'a pogné à l'écouter. Le vendredi, 22 heures passées. Pis surtout, c'est que les voisins doivent aussi l'écouter. C'est décadent, là. Mais c'est vraiment décadent. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. Audio-vidéo DG, en opération depuis plus de 30 ans. Le plus grand détaillant de vente DVD et Blu-ray au Québec. Un inventaire de plus de 200 000 films. Des films de tout genre, des films d'auteur aux films d'horreur, des films anciens aux films récents, des films européens aux films asiatiques, des films québécois aux films d'enfants et des films classiques. Des films rares, surtout ceux que vous cherchez depuis longtemps. Audio-Vidéo DG, 194 Avenue Saint-Sacrement, 418-681-5088, audiovideodg.ca. L'Homme de l'île est un film qui offre un regard sur un guide de chasse insulaire et la puissance de son univers. Il dépeint une longue et belle relation entre Gilles Gagné, un homme d'une intelligence et d'une sensibilité terrienne, et un grand maître, Jean-Paul Riopel. Ensemble, ils chassent, ils sirotent et surtout, ils discutent. Tandis qu'un redécouvre la beauté de son monde à l'île aux oies, l'autre s'en inspire pour créer des œuvres d'art. L'Homme de l'île à l'affiche de le 23 mars au Cinéma Cartier. Le Radioton de